Je te dis que je n'en veux rien faire, que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis, moi, que je veux que tu vives à ma fantaisie et que je ne me suis pas mariée avec toi pour souffrir des fredaines. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme, et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Oui, un peu l'habile homme avec son bonnet d'Aristote. Oui, habile homme, trouve-moi un faiseur de fagot qui sache comme moi raisonner des choses, qui ait servi 6 ans à un fameux médecin et qui ait su dans son jeune âge son rudiment par cœur. Peste du fou fiefé. Peste de la carogne. Que maudit soit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine. C'est bien à toi vraiment à te plaindre de cette affaire. Devrais-tu être un seul moment sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme? Et méritais-tu d'épouser une personne comme moi? Ah, il est vrai que tu me fis trop d'honneur et que j'ai eu lieu de me louer la première nuit de nos noces. Oh! Morbleu, ne me fais point parler là-dessus, je dirais de certaines choses. Quoi? Que dirais-tu? Baste, laissons là ce chapitre. Suffit que nous savons ce que nous savons et que tu fais bien heureuse de me trouver. Qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un homme qui me réduit à l'hôpital? Un débauché? Un traître qui me mange tout ce que j'ai? Tu as menti, j'en bois une partie. Qui me vend pièce à pièce tout ce qui est dans le logis? C'est vive de ménage. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais? Tu t'enlèveras plus matin. Enfin, qui ne laisse aucun meuble dans toute la maison? On en déménage plus aisément. Et qui du matin jusqu'au soir ne fait que jouer et que boire? C'est pour ne me point ennuyer. Et que veux-tu pendant ce temps que je fasse avec ma famille? Mais tout ce qui te plaira. J'ai 4 pauvres petits enfants sur les bras. Mets-les à terre. Qui me demandent à toute heure du pain? Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, avec tout le monde soit sous dans ma maison. Et tu prétends, ivrogne, que les choses aillent toujours de même? Ma femme, allons tout doucement, s'il vous plaît. Que j'endure éternellement tes insolences et tes débauches? Ne nous emportons point, ma femme. Et que je ne sache pas trouver le moyen de te ranger à ton devoir? Ma femme, vous savez que je n'ai pas la main durante et que j'ai le bras assez bon. Je me moque de tes menaces. Ma petite femme, votre peau vous démange à votre ordinaire. Je te montrerai bien que je ne te crains nullement. Ma chère moitié, vous avez envie de me dérober quelque chose? Crois-tu que je m'épouvante de tes paroles? Doux objet de mes voeux, je vous frotterai les oreilles. Ivrogne que tu es! Je vous battrai. Sac à vin! Je vous rasserai. Infâme! Je vous étrillerai. Être insolent, trompeur, lâche, coquin, pendard, gueux, bilitre, fripon, marron, valeur! Ah, vous en voulez donc. Voilà. Le vrai moyen de vous apaiser. Ah ça, faisons la peine aux deux, touche-là. Oui, après m'avoir ainsi battu. Cela n'est rien, touche. Je ne veux pas. Hein? Non? Ma petite femme. Quoi? Allons, te dis-je. Je n'en ferai rien. Viens, viens, viens. Non! Je veux être en colère. Fille, c'est une bagatelle, alors, alors. Laisse-moi là. Touche, te dis-je. Tu m'as trop maltraité. Eh ben va, je te demande pardon, mets-la à ta main. Je te pardonne, mais tu me le paieras. T'es une folle de prendre garde à cela. Ces petites choses qui sont de temps en temps nécessaires dans l'amitié. 5 ou 6 coups de bâton entre gens qui s'aiment ne font que regaillardir l'affection. Va, je m'en vais au bois et je te promets aujourd'hui plus d'un 100 de fagots. Va, quelque mine que je fasse, je n'oublie pas mon sentiment. Et je brûle en moi-même de trouver quelque moyen de te punir des coups que tu me donnes. Je sais bien qu'une femme a toujours dans les mains de quoi se venger d'un mari. Mais c'est une punition trop délicate pour mon pendard. Je veux une vengeance qui se fasse un peu mieux sentir. Et ce n'est pas contentement pour l'injure que j'ai reçue. Parguen, j'avais pris la tour d'une guêpe de commission. Et je ne sais pas moi ce que je pense m'attraper. Que veux-tu, mon pauvre nourricier? Il faut bien obéir à notre maître. Et puis nous avons intérêt, l'un et l'autre, à la santé de sa fille, notre maîtresse. Et sans doute son mariage, différé par sa maladie, nous vaudrait quelques récompenses. Horace, qui est libéral, a bonne part aux prétentions qu'on peut avoir sur sa personne. Et quoi qu'elle ait fait voir de l'amitié pour un certain Léandre, tu sais bien que son père n'a jamais voulu consentir à le recevoir pour son gendre. Puis-je pas trouver quelque invention pour me venger? Mais quelle fantaisie c'est qui poutait là dans la tête, puisque les médecins y avons tous perdu leur latin. On trouve quelquefois à force de chercher ce qu'on ne trouve pas d'abord, et souvent en de simples lieux. Oui, faut que je me venge à quelque prix que ce soit. Ces coups de bâton m'en viennent au cœur, je ne les saurais digérer. Ah! Ah, messieurs, je vous demande pardon. Je ne vous voyais pas et cherchais dans ma tête quelque chose qui m'embarrasse. Chacun a ses soins dans le monde et nous cherchons aussi ce que nous voudrions bien trouver. Serait-ce quelque chose où je vous puisse aider? Cela se pourrait faire et nous tâchons de rencontrer quelque habile homme, quelque médecin particulier qui pût donner quelque soulagement à la fille de notre maître, attaquée d'une maladie qui lui a ôté tout d'un coup l'usage de la langue. Plusieurs médecins ont déjà épuisé toute leur science après elle, mais on trouve parfois des gens avec des secrets admirables, de certains remèdes particuliers qui font le plus souvent ce que les autres n'ont su faire, et c'est là ce que nous cherchons. Ah, que le ciel m'inspire une admirable invention pour me venger de mon pendard. Vous ne pouviez jamais vous mieux adresser pour rencontrer ce que vous cherchez. Et nous avons ici un homme, le plus merveilleux homme du monde pour les maladies désespérées. Et de grâce, où pouvons-nous le rencontrer? Vous le trouverez maintenant vers ce petit lieu que voilà, qui s'amuse à couper du bois. Un médecin qui coupe du bois? Qui s'amuse à cueillir des simples, voulez-vous dire? Non! C'est un homme extraordinaire qui se plaît à cela. Fantasque, bizarre, quête, et que vous ne prendriez jamais pour ce qu'il est. Il va vêtu de façon extravagante, affecte quelquefois de paraître ignorant, tient sa science renfermée et ne fuit rien tant tous les jours que d'exercer les merveilleux talents qu'il a eus du ciel pour la médecine. C'est une chose admirable que tous les grands hommes ont toujours du caprice, quelques petits grains de folie mêlés à leur science. La folie de celui-ci est plus grande qu'on ne peut croire, car elle va parfois jusqu'à vouloir être battue pour demeurer d'accord de sa capacité. Et je vous donne avis que vous n'en viendrez pas à bout, qu'il n'avouera jamais qu'il est médecin, si c'est le mettre en fantaisie, que vous ne preniez chacun un bâton et ne le réduisiez à force de coups à vous confesser à la face qu'il vous cachera d'abord. C'est ainsi que nous en usons quand nous avons besoin de lui. Voilà une étrange folie. Il est vrai, mais après cela, vous verrez qu'il fait des merveilles. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Sganarelle. Mais il est aisé à connaître. C'est un homme qui porte une fraise avec un habit jaune et vert. Un habit jaune et vert? C'est dans le médecin des perroquets. Mais est-il bien vrai qu'il soit si habile que vous le dites? Comment? C'est un homme qui fait des miracles. Il n'y a pas 6 mois qu'une femme fut abandonnée de tous les autres médecins. On la tenait morte. Il y avait déjà 6 heures et on se disposait à l'ensevelir. Lorsqu'on fit venir de force l'homme dont nous parlons, il lui mit, l'ayant vu, une petite goutte de je ne sais quoi dans la bouche, et dans le même instant, elle se leva de son lit et se mit aussitôt à se promener dans sa chambre comme si de rien n'eût été. Oh! Il fallait que ce fût quelques gouttes d'or potable. Cela pourrait bien être. Il n'y a pas 3 semaines encore qu'un jeune enfant de 12 ans tomba du haut du clocher en bas et se brisa sur le pavé la tête, les bras, les jambes. On n'y eut pas plutôt amené notre homme qu'il le frotta partout le corps d'un certain onguent qu'il sait faire, et l'enfant aussitôt se leva sur ses pieds et courut jouer à la fossette. Oh! Il faut que cet homme-là ait la médecine universelle. Qui en doute? Tetti, guève-la justement l'homme qu'il nous faut. Allons vite à le chercher. Nous vous remercions du plaisir que vous nous faites. Mais souvenez-vous bien au moins de l'avertissement que je vous ai donné. Morgane, laissez-nous faire. S'il ne tient qu'à battre, la vache est à nous. Nous sommes bien heureux d'avoir fait cette rencontre. Et j'en conçois pour moi la meilleure espérance du monde. J'entends quelqu'un qui chante et qui coupe du bois. Ma foi, t'as assez travaillé pour boire un coup. Prenons un peu d'haleine. Là, du bois qui est salé comme tous les diables. Quelles sont nos bouteilles jolies, quelles sont nos petits loulous. Même mon sort ferait bien des jaloux si vous étiez toujours rempli. Bouteille, mamie, pourquoi vous videz-vous? Bouteille, mamie, pourquoi vous... Morbleu, il faut pas engendrer de mélancolie. Le voilà lui-même. Je pense que vous dites vrai et j'avons bouté le nez dessus. Voyons de près. Ma petite friponne. Que je t'aime, mon petit bouchon. Il s'en est géant. Que diable! À qui en veulent ces gens-là? C'est lui, assurément. Le voilà, tout craché comme on nous l'a défiguré. Il consulte en me regardant, quel dessin aurait-il? Monsieur, n'est-ce pas vous qui vous appelez Sganarelle? Hein? Je vous demande si ce n'est pas vous qui se nomme Sganarelle. Oui et non, selon ce que vous lui voulez. Nous ne voulons que lui faire toutes les civilités que nous pourrons. En ce cas, c'est moi qui se nomme Sganarelle. Monsieur, nous sommes ravis de vous voir. On nous a adressé à vous pour ce que nous cherchons et nous venons implorer votre aide dont nous avons besoin. Si c'est quelque chose, messieurs, qui dépend de mon petit négoce, je suis tout prêt à vous rendre service. Monsieur, c'est trop de grâce que vous nous faites. Mais monsieur, couvrez-vous, s'il vous plaît. Le soleil pourrait vous incommoder. Monsieur, bouteille dessus. Voilà des gens bien pleins de cérémonies. Monsieur, il ne faut pas trouver étrange que nous venions à vous. Les habiles gens sont toujours recherchés et nous sommes instruits de votre capacité. Ah, il est vrai, monsieur, que je suis le premier homme du monde pour faire des fagots. Ah, monsieur. Je n'y épargne aucune chose et les fais d'une façon qu'il n'y a rien à dire. Monsieur, ce n'est pas cela dont il est question. Mais aussi, je les vends sans dire celle-là. Ne parlons point de cela, s'il vous plaît. Je vous promets que je ne saurais les donner à moi. Monsieur, nous savons les choses. Si vous savez les choses, vous savez que je les vends cela. Monsieur, c'est se moquer. Je ne me moque pas, je n'en puis rien à battre. Parlons d'autre façon de grâce. Vous ne pourrez trouver autre part à moi, mais il y a Fago et Fago, et pour ce que j'ai fait... Mais monsieur, ils sont là ce discours. Je vous jure que vous ne les auriez pas s'il s'en fallait être un double. Et fille. Non, en conscience, vous en payerez cela, je vous parle sincèrement, et ne suis pas homme à surfaire. Faut-il, monsieur, qu'une personne comme vous s'amuse à ces grossières feintes, s'abaisse à parler de la sorte? Qu'un homme si savant, un fameux médecin comme vous êtes, veuille se déguiser aux yeux du monde et tenir enterrés les beaux talents qu'il a? Il est fou. De grâce, monsieur, ne dissimulez point avec nous. Comment? Tout ce tripotage ne sert de rien, je savons ce que je savons. Quoi donc, que me voulez-vous dire pour qui me prenez-vous? Pour ce que vous êtes, pour un grand médecin. Médecin vous-même, je ne le suis point, je ne l'ai jamais été. Voilà sa folie qui tient. Monsieur, ne veuillez point nier les choses davantage et n'en venons point, s'il vous plaît, à de fâcheuses extrémités. À quoi donc? À de certaines choses dont nous serions maris. Parbleu, venez-en à tout ce qui vous plaira. Je ne suis point médecin et ne sais ce que vous me voulez dire. Je vois bien qu'il faut se servir du remède. Monsieur, encore un coup, je vous prie d'avouer ce que vous êtes. Ouais, têti, guette l'antiponez point davantage et confessez à la franquette que vous êtes médecin. Ah, j'en rage. À quoi bon nier ce qu'on sait? Pourquoi toutes ces flammes-là? À quoi est-ce que ça vous sert? Messieurs, en un mot, autant qu'en 2000, je vous dis que je ne suis point médecin. Vous n'êtes point médecin? Non. Vous n'êtes pas médecin? Non, vous dis-je. Puisque vous le voulez, il faut s'y résoudre. Monsieur, je suis tout ce qui vous plaira. Pourquoi, monsieur, nous obligez-vous à cette violence? À quoi bon nous payer la peine de vous battre? Je vous assure que j'en ai tous les regrets du monde. Par ma fille, j'en suis fâché, franchement. Que diable est ceci, messieurs? De grâce, est-ce pour rire ou si tous deux vous extravaguez de vouloir que je sois médecin? Quoi? Vous ne vous rendez pas encore et vous vous défendez d'être médecin? Diable en partie, je le suis! Il n'est pas vrai que vous soyez médecin? Non! La peste m'étouffe! Messieurs, oui, puisque vous le voulez, je suis médecin. Apothicaire encore, si vous le trouvez bon. Et mieux consentir à tout que de me faire assommer. Ah, voilà qui va bien, monsieur. Je suis ravi de vous voir raisonnable. Vous me boutez la joie au cœur quand je vous vois parler comme ça. Je vous demande pardon de toute mon âme. Vous demandons excuse de la liberté que j'avais prise. Ouais. Serait-ce bien moi qui me tromperais et serais-je devenu médecin sans m'en être perçu? Monsieur, vous ne vous repentirez pas de nous montrer ce que vous êtes et vous verrez assurément que vous en serez satisfait. Mais, monsieur, dites-moi... Ne vous trompez-vous point vous-même? Est-il bien assuré que je sois médecin? Oui, par ma figue! Tout bon? Sans doute. Diable en porte, si je le savais. Comment? Vous êtes le plus habile médecin du monde. Ah. Un médecin qui a guéri je ne sais combien de maladies. Tu Dieu! Une femme était tenue pour morte il y avait 6 heures. Elle était prête à ensevelir. Lorsqu'avec une goutte de quelque chose, vous la fîtes revenir et marcher d'abord par la chambre. Peste! Un petit enfant de 12 ans se laisse choir d'un clocher. De quoi il a eu la tête, les jambes et les bras cassés. Oh. Et vous, avec je ne sais quel longueur, vous faites qu'aussitôt il se relève sur ses pieds et s'en fut jouer à la fossette. Diantre! Enfin, monsieur, vous aurez contentement avec nous et vous gagnerez ce que vous voudrez en vous laissant conduire où nous prétendons vous mener. Je gagnerai ce que je voudrais? Oui. Ah, je suis médecin, sans contredit. Je l'avais oublié, mais je m'en ressouviens. De quoi est-il question? Où faut-il se transporter? Nous vous conduirons. Il est question d'aller voir une fille qui a perdu la parole. Ma foi, je ne l'ai pas trouvée. Ah. Il est mari. Allons, messieurs. Sans une robe de médecin? Nous en prendrons une. Tenez cela, vous. Voilà où je mets mes juleps. Et vous? Marcher là-dessus par ordonnance du médecin. Pas le sang, gagne-le un médecin qui me plaît. Je pense qu'il réussira car il est bouffon.